Jour la 200 dans la ville. J'suis dans le Céveso toute l'année. J'ai la pesture qui me fait planer. Ça bandit dans la Ferrari. Capuchon clé, j'suis trop cramé. J'ai garé le bolide dans l'allée. J'arrive dans le carré VIP. Faut les mecs en vérité. Devant les bleus, j'y vois rouge. Un peu d'amertume sur la route. Pour la gua, pas la qualité. Après minuit, j'passerai peut-être voir Chupeta. Elle veut que je lui prenne son sac Hermès ou Bottega. J'viens du center comme Onaï. Je fume la peu magique. J'tourne pour l'instant, tout va béni. J'ai la celia dans l'élastique. J'ai fait le tour de la ville full. Pour l'instant, tout va béni. T'étais où quand j'avais besoin de toi? Dis-moi, t'étais où? J'étais pas bien, j'étais pas bien. J'ai fait la potion, je suis avec bébé, c'est elle qui pilote ce soir. Oh. Et dehors ça rôde, ça veut tuer l'autre. Effet de mode, ça grandit avec le cœur noir. Ah. Les mamans au tribunal, les petits en tol qui vont mal, ça insulte le surveillant. Par la fenêtre, ça dit du sale, un peu après ça rafale. Ici un service est payant. En ce moment je me renferme, je suis un petit peu parano. Vois la vie que je mène. Mais j'ai pas à m'en faire, je fais de la zik par amour. Je dis pas n'importe qui, je l'aime. Quand j'avais besoin.